L'Association britannique d'études de la politique de Sengun a présenté dans son page d'internet l'œuvre classique du président Kim Il-sung à l'occasion de la création de l'armée de guérilla populaire anti-japonaise et l'œuvre classique du général Kim Jong-il pour établir un système cohérent de direction du parti. Par ailleurs, la maison d'édition près le Parti travailliste mexicain a fait paraître en brochure l'œuvre classique du général Kim Jong-il, le Parti du travail de Corée et le Parti du camarade Kim Il-sung grand leader, à l'occasion du 7e congrès du Parti du travail de Corée.